Le représentant de la République populaire démocratique de Corée a fait son discours le 14 octobre lors de la session du 6e comité de la 71e Assemblée générale de l'ONU pour le point de l'ordre du jour, la Charte des Nations Unies et le problème de renforcement du rôle de l'organisation. Il a dit « Il convient de régler tous les problèmes posés dans les rapports internationaux en accord avec l'objectif et le principe de l'ONU défini par la charte de cette organisation. » Le Conseil de sécurité est tenu de s'acquitter de sa mission de façon équitable et avec responsabilité, comme elle se charge avant tout du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité a adopté les résolutions de sanctions illégales contre la Corée, celles qui rendent problématiques sans aucun fondement du droit international, le test nucléaire autodéfensif, le lancement de satellites à des fins pacifiques et le tir régulier de fusées balistiques, en les taxant absurdement de menaces pour la paix et la sécurité internationale. La charte de l'ONU et les droits internationaux existants ne contiennent aucune clause stipulant que l'essai nucléaire, le lancement de satellites et le tir de fusées balistiques constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Le pire est que le Conseil de sécurité tourne le dos à notre exigence juste de faire cesser les manœuvres américaines sud-coréennes, créant chaque année les risques de conflits nucléaires dans la péninsule coréenne et menaçant la paix et la sécurité de la péninsule et de la région. Il faut que les Nations Unies mettent un terme le plus tôt possible à son histoire déshonorable d'être usurpée à l'encontre de la paix et de la sécurité de la péninsule coréenne. Notre République exige vertement une fois encore des États-Unis la dissolution accélérée du commandement des forces onusiennes illégales stationnées en Corée du Sud selon la résolution de la 30e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et le retrait de toutes les troupes d'agression. Notre République s'exprime convaincue que tous les pays membres y témoigneront du soutien et de la solidarité agissant.